manquez pas de message ni de méchanceté. Pourtant j'ai le grand avantage d'être détesté par la moitié des Belges, des Suisses et des Français. Mais je me fous bien de leur voix qui gronde, je ne veux pas plaire à tout le monde. Wow. J'suis l'andouille qui a l'air imbécile, mon nom sonne comme une maladie. Mais grâce à ça je traîne au lit. Avoir l'air con peut être utile. Oh. L'être vraiment serait plus facile.